Paris c'est le zouk. Dans cette ville tout est flou, chaque jour tu cours donc c'est logique que tu t'essouffles. Sous pression pour des sous, ce rythme là me saoule. Je te mets carte sur table mais je te montre pas ce qu'il y a dessous. On veut être vite servi comme au fast food. Le but c'est d'avancer comme mettre le ballon dans la cage de foot. Pas de panique, on veut des kilogrammes de flouze. Mon stylo a le blues, je vis d'arnaque, si on me crame je coule. Faut faire vite, le temps joue contre nous. Un coup de coude est vite arrivé comme un genou contre genou. On compte sur nous mais pour percer à tant de falaises. Tente le coup pour pas avoir de regrets à 30 balais. Quand je galère c'est lourd mais je supporte comme une transpalette. Et je vais pas me plaindre, je suis à l'aise. J'ai eu une enfance palette, je balais. Tous ceux qui me jalousent et qui veulent me keblo. Mon blast c'est Karna, je marche seul ou avec des queues mes réglos. Faut que ça fasse mal, faut que ça fasse mal, Et je prends soin de faire de mon mieux pour aller loin. Si l'argent fait pas le bonheur, il fait au moins quelques soucis en moins. Faut que ça fasse mal, faut que ça fasse mal, Et je prends le soin de faire mon mieux pour aller loin. Si l'argent fait pas le bonheur, il fait au moins quelque chose qui en moins. Si je suis inconnu, personne ne s'attendait à ma venue. Tenter de me stopper ne sert à rien comme un match nul. On se casse le cul pour la mayonnaise et des pages de pub. Mais ma présence énerve comme quand de la mayonnaise te tache le pull. Je t'affais plus lorsque j'ai vu ce que les fraudeurs se font. Je te dis de vive voix, je veux tout casser comme un poseur de bombe. Fais pas le con car à tous les coups ça canard. Et ça peut devenir très chaud comme à Cancun ou à Punta Cana. Bouge ta ganache, on veut pas de toi dans notre staff. Y'a des formations pour MC, répond donc aux offres de stage. Ça ne se fait pas comme se faire les caisses de la côte. Mais bon mes potes au rêve, vu salaire de Fernando Torres. J'ai peut-être tort mais y'a trop de petits qui se dissout. Un petit discours ne sert à rien, ils veulent tirer comme Clint Eastwood. Bienvenue ici où y'a toujours un type qui te saoule. À Paris tu payes plein tarif, t'attends pas une petite ristourne. Faut que ça fasse mal, faut que ça fasse mal, Et je prends soin de faire de mon mieux pour aller loin. Si l'argent fait pas le bonheur, il fait au moins quelques soucis en moins. Faut que ça fasse mal, faut que ça fasse mal, Et je prends le soin de faire mon mieux pour aller loin. Si l'argent fait pas le bonheur, il fait au moins quelques soucis en moins. J'avoue que cette époque est rude, tout se méfie. Le daron sort le fusil au premier qui touche ses filles. Dans toutes les villes, y'a des tours où tout est gris. Quand t'es dans le doute seul, prends une plume, une feuille et tu l'écris. Sûr de soi, on l'est pas tous. T'attires dans les pas de couze. Défends-toi, n'attends pas que le sang t'éclabousse. Y'a que ma bouche qui tire des balles, les rimes sont les cartouches. Je fais du rap pour pas raconter ma vie dans des barlouches. Je fais du son solo avec mon petit gang. Quand j'y pense, c'est flou comme un camp de gitan. La musique, j'ai grandi dedans et je compte bien en vivre. Des rappeurs qui restent vrais, y'en a combien en ville. Faut que ça fasse mal, faut que ça fasse mal, Et je prends soin de faire de mon mieux pour aller loin. Si l'argent fait pas le bonheur, il fait au moins quelques soucis en moins. Faut que ça fasse mal, faut que ça fasse mal, Et je prends soin de faire de mon mieux pour aller loin. Si l'argent fait pas le bonheur, il fait au moins quelques soucis en moins.